Rachel. Good morning. You're listening to the Monday Morning After Show. And good morning, Jules. Good morning. And we have a little bit of music here that we're going to play just to get us into your segment. So let's go to that. Nice change of atmosphere. Yeah, I mean, I love this music because it kind of rings spring, you know, in a way, and it actually fits in perfectly with our guests today. They're here, François Gourde and Annie Claude, to tell us about a fiesta cubana, basically celebrating the culture of Cuba. So welcome, François. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de te revoir encore parmi nous sur nos ondes CKUT. Alors, tu es ici pour nous parler d'un événement unique, plein de chaleur. En fait, on organise une semaine culturelle de Cuba à Montréal, et puis mercredi 14 avril, c'est-à-dire après-demain, au Café Campus sur la rue Prince-Arthur, una fiesta cubana para los cinco héroes y para el centro cultural El Paseo del Bolero de Holguín. À 20h, il y a un cabaret de solidarité avec Vic Vogel et des amis musiciens à lui, dont Raphaël Zaldivar, Sophie Lapierre, Martin Deschamps, Lorraine Classen, Dean Cottrell, Seigneur Judah, Pierre Tanguay, Damien Nissenson, Alberto Hidalgo, et puis il y a même un magicien qui va être là de Holguín, Mago Charlie. Ensuite, à 20h30, pour ceux qui ont vraiment envie de danser, là, mais vraiment danser cubain, là, danser cubaine avec Lazaro René et ses musiciens. Puis durant la soirée, durant la première partie du cabaret Solidarité, il va y avoir une dizaine de peintres qui vont peindre en direct et on va vendre les tableaux à l'encan. Tout ça va aller au profit des cinq Cubains emprisonnés injustement aux États-Unis et le Centre culturel Paseo del Bolero de Holguín. Et pour la partie peinture en direct, eh bien, on a une experte ici en peinture en direct, Annie-Claude Picard, qui va nous expliquer ce qu'elle ressent quand elle se met à peindre devant les gens, parce que la peinture, habituellement, c'est une œuvre solitaire, mais nous, on la transforme en happening, en événement. Alors, qu'est-ce que ça te fait de peindre en direct? OK. Alors, c'est sûr que si j'ai pas beaucoup de temps, c'est exaltant. Quand j'ai un peu plus de temps, comme peut-être cette fois-ci, j'aurai une heure environ. Une heure et demie, même. Une heure et demie. Bon, écoute, c'est garde, c'est total pour moi. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, je dirais, de spontanéité. Bon, oui, l'intuition vient, mais c'est toute une histoire qui naît tout à coup sur le tableau. Et puis là, j'ai envie de me permettre, aussi grand, sur la hauteur, pas trop large. Aïe, aïe, aïe. C'est pas une fresque qu'on fait, là. On va l'envoyer à l'Oratoire Saint-Joseph. Mais juste d'en parler, c'est découvrir avec les couleurs qu'est-ce qui va arriver, se reculer, puis de voir apparaître des formes. Mais avec le public, c'est comme il y a un murmure, c'est l'ambiance, la musique. Et là, ça fait monter, que ce soit le geste, puis une histoire qui va s'afficher comme ça sur le tableau. Puis il va y avoir d'autres peintres. Il y a Armand Vaillancourt, notre grand maître à nous, Armand Vaillancourt, qui a célébré ses 80 ans l'année dernière. Et au dernier cabaret de la philosophie, on l'a vu danser jusqu'à 3 heures du matin. Alors, c'est un surhomme. Et puis, il va y avoir d'autres peintres comme Bertrand Lavoie, Michel Pedneault, Dominique Desbiens, Patricia Walton, François Escalmel. Alors, et puis en plus d'une peinture, on va leur fournir chacun une boîte de cigares vide, une boîte de cigares cubains, les belles boîtes. Mm-hmm. On va leur demander de faire une peinture dans la boîte. Mm-hmm. Et puis, on va vendre ça à l'encan aussi. Alors, c'est ça. Mais c'est super, mais c'est pas juste la peinture, c'est un événement qui dure quand même jusqu'au... d'après ce que je vois ici, ça a commencé déjà le 11 avril, c'est-à-dire... Ben, en fait, c'est une semaine culturelle cubaine qu'on met sur pied parce que Cuba, c'est un des pays les plus riches culturellement. C'est hallucinant, la mm-hmm. culture là-bas. Alors, nous, on veut faire la promotion de ça. Et puis, ce soir-là, on organise une collecte, ben, durant toute la semaine, en fait, une collecte d'instruments musicaux. Mm-hmm. Parce que quand on arrive à Cuba, moi, la dernière fois que je suis allé, j'avais une boîte de cordes de guitare. Là, mais vraiment, les gens, qu'est-ce que tu veux, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Alors, quand on leur apporte un soutien moral, émotif ou monétaire, eh bien, ça les rend heureux. Moi, je pars samedi prochain pour un mois. Je m'en vais à Cuba. La première semaine, je m'en vais au Festival des films pauvres de Ibarra présenter deux films. Un qui s'appelle Viva el Quebec Libre et l'autre, c'est La vie d'un fou, la Aviso de un Loco. Ensuite, je m'en vais à La Havane pour deux semaines parce que la dernière fois, j'ai rencontré le directeur du Cirque national de Cuba. Puis il m'a dit, pouvez-vous nous envoyer des gens pour aider nos clowns et ceux qui participent au cirque à évoluer vers la philosophie? Et bien là, je pars avec Stéphane Crête, qui est un comédien metteur metteur en scène et maître de l'absurde. Et on va aller errer pendant 2 semaines dans la mythique Havane. Puis il va faire beau. Et c'est le plus beau temps en ce moment à Cuba. Ah oui. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment, là, je voulais mettre l'emphase. Bien sûr qu'il y aura la peinture en direct avec Annie-Claude Picard qui est avec nous sur nos ondes. Mais il y aura également de la musique. Il y aura beaucoup d'occasions de danser au son de Vic Vogel qui notamment sera en train de jouer avec son trio apparemment le 16 avril. Oui, mais il va jouer le 16 avril, il va jouer sa Jonquière, je pense. Faire un show. Alors la semaine culturelle Cuba, c'est Montréal-Jonquière parce qu'il va jouer un soir à Jonquière. Et puis il y a le lundi aussi, il y a un autre show au cégep, sous la direction d'Oliver Jones, au cégep, je me souviens plus le nom du cégep, là, tu l'as pas là-dessus? J'ai un collège Vanier ici. Ah, c'est ça, au collège Vanier. C'est ça. Et puis là aussi, c'est au profit de Cuba, des instruments qu'on envoie à Cuba, parce que Vic et son gérant, Bob Pauvert, ils envoient des instruments de musique depuis plusieurs années. Ils ont envoyé déjà des pianos. Alors, ceux qui ont des instruments de musique qui servent pas, au lieu de faire une lampe avec une guitare, faites donc un guitariste à Cuba. Et donc, pour si vous êtes intéressé à cet événement en particulier qui va se dérouler au Collège Vanier, c'est le 19 avril, la semaine prochaine, 7h30. Le Collège Vanier qui, bien sûr, se retrouve 821 avenue Sainte-Croix de Saint-Laurent. Pour des réservations, vous pouvez composer le 514-744-7500. Mais bien sûr, ce qui est le plus important... Et François... C'est mercredi, le 14 avril, au Café Campus, Cabaret Solidarité et Danse Hot, Hot, Hot Cubaine. Yo soy Don Cabron. Alors, ciao, Bambino. Ça. Alors, encore plus d'informations, vous voulez faire des dons, particulièrement des instruments de musique, si ça vous intéresse, vous pouvez rentrer en contact. Mettons que vous avez un piano à queue à donner, bien, vous l'apportez au Café Campus, vous le montez au 3e étage, et puis... Tout seul. Mais de tout genre d'instruments, il n'y a aucune limite, là, non, tout ce que vous êtes capable de donner. Musique à bouche, bombarde, flûte à bec, n'importe quoi. Donc, ça va être superbe. J'aime bien, j'adore ça, François. Les cuillères. Ah oui, on arrive avec un paquet de cuillères. Ah ouais? Mais non, c'est pas... La magie. Puis donc, c'est ça. Donc, mais merci encore d'être parmi nous et de toujours partager avec nous ces événements qui sont très rassembleurs, qui sont là pour faire la promotion de la culture, de la musique, des arts, que ce soit d'ici et d'ailleurs. Donc, merci encore, François Gaude et Annie-Claude. Gracias. Merci. We'll go to back some to of that music then. Thank you. Some music from this compilation that our artists have, and we're going to find out more information about that in the next few minutes or so. You're listening to the Monday Morning After Show on CKUT 90.3 FM, and there's a theme of Cuba this month. So we're just talking about the event before. I just want to give a little reminder about what we talked about in the first hour, which was Viva Cuba, that exhibit happening at Espace Maine. That's located 5364 Ceylon Boulevard, featuring Dwight Baird's latest paintings, really exceptional paintings at Zeke. Hopefully next week we'll have a chance to have an interview with him, and he'll be able to converse about that. Of course, I just want to mention that exhibit again, just because it's closed Mondays and Tuesdays. The space is not available Monday and Tuesday, but Wednesday, Thursday, Friday, and weekend, check it out, because it's running until April 25th, and the hours are from 11 a.m. until 5 p.m. So I just thought I'd mention that for dwightbaird.com. And if Julie could re-mention again the event we just talked about. Well, actually, referring to Dwight for information, you can just call 514-932-4697. We're so coordinated. I have the information right in front of me. and that, of course, is at Espace Main, which is located 5364 B. Saint-Laurent. Mm-hmm. But, of course, this is all following a theme of Cuba and celebrating Cuba. So there is a main event on Wednesday, April 14th, which is at 8 o'clock, and it's going to be at Café Campus, located 57 Prince Arthur, and it's a great opportunity to get to see the amazing local artists such as Vic Vogel and others, and friends get to perform music that's just going to bring us heat and magic. So that again is happening at the Café Campus, located 57 Prince Arthur. For ticket information, just call. It's only $10. Sorry, you interrupted me. That's a bit rude. For yes. Ticket information, that is 514-844-1010. And you're about to say? François. It's only $10, but if you're a student, it's $12, but you all need right. Your student card. Excellent. And go. I want to say hello to Julie Delorme, who works at CKUT, who's a good friend of mine. Oh, nice. Well, hello to everybody as well listening in. And thank you. Thank you all for coming in on a Monday morning. It's not always easy to come in on a Monday morning. It's right now 8:27 a.m. Eastern Standard Time. I'm going to go to some messages as well as some music for you.